étendue en face de moi. À perte de vue sera ma voix. Consigne simple et situation complexe. Je me dois de pousser pas réagir comme un réflexe. Immense étendue en face de moi. À perte de vue sera ma voix. Consigne simple et situation complexe. Je me dois de pousser pas réagir comme un réflexe. Il est des situations, quel que soit notre choix, nous commettrons une abomination, ne sachant plus ce qui est droit. Mes frères, je sais que je ne voulais pas vous tuer. Soldats, pas bouchés, pourtant vous fûtes touchés par mes cartouches. Lors d'une exécution sommaire, vos vies étaient pour moi de l'or, mais j'obéis à une logique de guerre. Agissant sous couverture de votre mort, j'avais été chargé. Votre capture d'office vous avez voué à être tué. Et je fus désigné, ne l'aurais-je pas fait, je vous le dis, j'en suis confus. Tout un village eût été frappé, mais pour autant, en quoi eussiez-vous dû payer? Votre mort forme ma croix, innocence pour moi sacrifiée. N'attendez toutefois pas, afin que je serai un homme brisé. J'ai la force de porter ce poids, dur à dire, mais je m'en remettrai. Ce que j'ai fait, je ne saurais le réparer. Alors de ce poids, j'en fais ma voix. Avancer, toujours marcher dans ma foi. Immense étendue en face de moi. À perte de vue sera ma voix. Consigne simple et situation complexe. Je me dois de pousser pas réagir comme un réflexe. Immense étendue en face de moi. À perte de vue sera ma voix. Consigne simple et situation complexe. Je me dois de pousser pas réagir comme un réflexe. J'ignore ce que je dois regretter ou pas. Situation à plusieurs voix ou donc de gens que j'aimais pas. Les manuels de morale sont lumineux, de simples ou sous leur emprise en virage. Par un excès de formalisme, pour l'étouffement du fond. Prothésiste, de fantasme, faillite finale. Sans le son tiré sous le son, sous l'un des sarcasmes. Sourdissant des démons hilarantants. L'humaine condition tant mon venteux à gravir. Avant la plaine de paix divine, pleine de vie, ce qu'est la dignité de l'homme. C'est la peine que l'on se donne et s'extirper de son somme. Pleine liberté, être libre implique la possibilité de tourner de l'ambiguïté de ce cirque. La réalité réitérée des règles sans discernement, un être éthéré à terre, les sages et le sang à terre est versé. Pas de sinistre, bonne conscience. Et moi aussi, certes, j'ai tué, mais je vous manquais de science. Immense étendue en face de moi. À perte de vue sera ma voix. Consigne simple et situation complexe. Je me dois de pousser pas réagir comme un réflexe. Immense étendue en face de moi. À perte de vue sera ma voix. Consigne simple et situation complexe. Je me dois de pousser pas réagir comme un réflexe. Oui, je me plante devant le miroir de ma conscience en pleine. J'affronte ce qui me hante et me hâte vers la sapience. Pas de hâte dans ma recherche. Toute expérience peut nous enrichir. Tout ce qui se présente peut être une perche. Dès lors qu'on s'abstient de fuir. Oui, j'ai tué des innocents de sang-froid. Oui, ils étaient désarmés. Et oui, j'avais le choix, mais seulement entre deux mauvaises solutions et entre deux mots. La sélection du moindre est une gageure. Disjoindre les options, les analyser, les opposer en fonction des critères relativisés. Concéder, quand ces conditions, toute certitude est aberrée. Je ne crois nullement au code de morale, illusion, sécurité. Froid de la timidité face à la vaste profondeur de la vie humaine. Grâce de la maudite peur, l'homme grand risque sans salut à brevet l'ambigu. Honnête, responsable, puisque créatif, c'est son premier attribut. Immense étendue en face de moi. À perte de vue sera ma voix. Consigne simple et situation complexe. Je me dois de pousser pas réagir comme un réflexe. Immense étendue en face de moi. À perte de vue sera ma voix. Consigne simple et situation complexe. Je me dois de pousser pas réagir comme un réflexe.